Quand on a inventé la perspective, c'est un certain Brunelleschi qui a inventé la perspective, qui a fait la première bidouille, bricolage de petits tableaux, ça s'appelait la tavoletta sur à Florence, sur les marches de Santa Maria del Fiore en 1425. Il a fait voilà, ce premier bricolage qu'il a montré à ses contemporains pour dire, regardez, on peut représenter l'espace en perspective. Il a, en fait, bon, comme ça, fait changer le point de vue. C'est vraiment la charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. D'un seul coup, les gens se sont rendus compte qu'il y avait une forme de légitimité de cette construction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, légitimité? Bien sûr, dans le cas de la perspective, a priori, ce mot, tel qu'Alberti l'a utilisé, c'est plutôt une légitimité en termes géométriques. Mais plus loin, c'est une légitimité en termes politiques, symboliques, etc. Le fait qu'on ne puisse pas représenter légitimement un tel plus grand que tel autre, tel potentat plus grand que tel autre, sous prétexte qu'il serait plus important. Non, il va être représenté dans le tableau à la taille qu'il faut, suivant sa distance au point de vue. Point. Point barre. Il n'y a pas tortille, c'est comme ça. Alors bien sûr, on peut jouer, on peut choisir le point de vue. Ça va être le point de vue de tel peintre plutôt que tel autre qui va être choisi par le prince, etc. Bon, ok. Mais cette forme de représentation s'est imposée dans les yeux des Renaissants et en très peu de temps, entre quelques décennies, un siècle à peine. Il a été inconcevable de peindre, enfin de représenter l'espace, de peindre autrement qu'en perspective. Toutes les représentations du Moyen Âge ont été balayées, quoi. C'est devenu ringard. C'est un peu ça. Et c'est pas qu'une mode, non. C'est que derrière cette forme de représentation, cette délégation de la représentation à un principe géométrique, on a établi une forme de légitimité aussi politique. Et voilà. Et je crois que donc il y a eu comme une sorte de concurrence entre des systèmes de représentation, celui hiérarchisé du Moyen Âge, celui géométrisé de la Renaissance. Celui géométrisé de la Renaissance l'a emporté parce qu'il était plus légitime. Et alors maintenant, la question, c'est de savoir quels sont les critères de légitimité des deux perspectives, des deux nouvelles perspectives dont j'ai parlé, les perspectives temporelles qu'on a inventées en gros depuis 2 siècles, et la perspective numérique qu'on a inventée en gros depuis 30 ans, et qui est encore balbutiante. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que je crois que de ces critères de légitimité, de cette plus ou moins grande légitimité des dispositifs de représentation, enfin de l'interaction collective temps réel qu'on est en train de créer, donc entre autres des monnaies, de la légitimité des monnaies plus ou moins avérée, émergera le fait qu'elles vont leur durabilité, disons.